FrenchPod.com. Je crois que j'ai une carie, mais... Oui, je vois sur vos dernières radios qu'elle était déjà présente il y a 3 mois, mais en état bénin. Mais... Je suis sûre que nous avons affaire à une véritable infection dentaire maintenant, sans parler du nerf qui doit être touché. À vrai dire... On va commencer par une anesthésie locale. Et maintenant, je vous mets un support pour garder la bouche bien grande ouverte. Voilà. Ne vous inquiétez pas, vous n'allez pas souffrir. On va nettoyer la dent. Maintenant, retirez l'ancien plombage. Arrêtez de gigoter, cela ne peut pas être douloureux. Bon, là, ou je dévitalise la dent et je remets un nouveau plombage, ou on met une couronne. Un peu cher, certes, mais plus esthétique et définitif. Deux fois, La deuxième option ? Ok, on met une couronne à la place. C'est parti ! Et voilà le travail, c'est magnifique. Je vous retire le support, vous pouvez vous rincer la bouche. Mais enfin, j'étais venu pour un blanchissement et un détartrage.